Qu'est-ce qu'il fait, Ponche, là? Ça fait une demi-heure, on galère, là. Ah ouais, t'es sérieux, celui-là, là? Il fait galérer les oh gens, là. Oh, les gars, viens, alors, ça va, tranquille. Tranquille, et toi, ça maintenant que t'arrives, là. Bah ouais, vas-y, on va aller chez mon pote, là, comme prévu, tout ça, là. Mada, il habite pas loin, t'inquiète. Ça a deux pas d'ici, là. Vas-y, vas-y, on décolle. Speed, là. Ah ouais, bien ou quoi? Oh, poteau. Vous êtes là? Voilà. C'est quoi ces conneries là? C'est à ce temps là que vous arrivez? Ouais, bon. On a galéré, Ponchi nous a fait galérer là. Ah, normal, normal. C'est comme des crevards. Allez-y, installez-vous, j'ai un petit truc à finir vite fait là. Si, si. Ouais. C'est quoi ce bruit chelou là que j'entends? Eh madame, mais putain, qu'est-ce que tu fous, madame? J'ai enfilé mon tablier et du sang, je vais en mettre partout à la fin du couplet. Obligé, tu seras comme un fou à base de palpitations, feu de chaleur, et j'en passe. Un cesse pour Pognosa et pas pour les petites connasses. Tu sais que tes mains droites et tire une barre sur le bilan. Tu fous de ma gueule, tu peux me servir un petit bouchon citron. Moi j'ai une vibe à t'arracher les cheveux, aussi pointu que la femme de gris. 142, trop tôt, si tu me débrouillais par moi-même. La rue m'a filé un coup de main et maintenant j'ai la haine. C'est pas la peine de venir pleurer sur mon sort. Je veux pas rentrer dans les détails, mais gros, comment je m'en sors? Je me fais chier à ta fête nuit et depuis j'ai presque plus de vie. D'ailleurs un gros big up à tous mes collègues de la nuit qui m'ont toujours couvert quand j'allais en concert, qui me laissent tranquille quand je taffe ma rime à ma machine à grossimer. Attention danger, du lourd sur la poule on vient décharger. On est comme on est et personne pourra nous changer. On rappe, ça fait l'épée d'une voiture piégée. On répète le refrain au gars où t'as pas pigé. Danger, du lourd sur la poule on vient décharger. On est comme on est et personne pourra nous changer. On rappe, ça fait l'épée d'une voiture piégée. On fait sa façon boucherie, on était obligé. Danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger. Attention danger, t'es en zone rouge, ça va péter. On tise, on tape, même si y'a rien à fêter. On passe notre temps à penser aux paroles qu'on pourrait chanter à un public averti, car nos propos peuvent choquer. Tu sais que c'est dans ces moments-là qu'il faut nous laisser balancer nos lyrics sur la foule pour l'ambiancer. On va pas se ramasser la gueule sur scène comme Beyoncé, mais danser progressivement par petits pas cadencés. J'ai tendu la main à la tise, elle m'a bouffé le foie. J'ouvre dans l'alcotexte et j'explose le ballon du gars. Mais je m'en fous moi, c'est la même chose à chaque fois. Même en état d'ébriété, les instruits, je les froisse ça. Quand on rap sous les raclics ou la cyprine, t'as mal à la tête, prépare-toi une aspirine. Déjà que le premier 16 te laisse un goût d'hémoglobine. Le troisième 16 t'achète car le deuxième 16 est une carapuce. On change, du lourd sur la foule on vient décharger. On est comme on est et personne pourra nous changer. On rap, ça fait l'effet d'une voiture piégée. On répète le refrain au gars où t'as pas pigé. Danger, du lourd sur la foule on vient décharger. On est comme on est et personne pourra nous changer. On rap, ça fait l'effet d'une voiture piégée. On fait sa façon boucherie, on était obligé. Puisqu'on est là, on va y rester, qu'on soit aimé ou détesté. Prépare tes tympans, tes oreilles parce qu'on va les molester. Un blanc, un renoir, ça donne une vision contrastée. Nombreux sont les instruits qui vont y rester. Ouais. Arme blanche, lyrics, victime, instru, l'instru, je la fixe et quand t'as pas, je la tue. J'ai des notes plein partout, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais quelle conne, Mada et Ponche, elle a voulu tester. Mada et Ponche, MES, Gaprod, ça c'est danger. Réunir des TK1, 3, 2, LP, c'est danger. Essayer d'arracher la bouffe de ma bouche, c'est danger. Me bouscule pas quand j'ai trop bu, sauf si t'aimes le danger. J'ai activé la minuterie, ça va bientôt péter. Danger, 9-4 RAB, c'est danger. 208, quoi la paix. C'est danger, le 9-7 je vais représenter. Attention danger, du lourd sur la foule on vient décharger. On est comme on est, et personne pourra nous changer. On rappe, ça fait l'effet d'une voiture piégée. On répète le refrain au gars où t'as pas pigé. Danger, du lourd sur la foule on vient décharger. On est comme on est, et personne pourra nous changer. On rappe, ça fait l'effet d'une voiture piégée. On fait sa façon boucherie, on était obligé. Danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger, danger.